Donc ce livre nous tient beaucoup à cœur et c'est le produit d'une belle aventure collective qui s'est construite à partir d'un séminaire à l'IRESCO. À l'époque, ça s'appelait l'IRESCO, aujourd'hui ça s'appelle le site Pouchet, et qui s'intitulait « Le sociologue, pratique de recherche et engagement ». Et les différents contributeurs de cet ouvrage sont donc tous venus dans ce séminaire et ont accepté donc de participer à cette publication. Donc, pour la petite histoire, en fait, nous nous sommes rencontrés toutes les deux à l'occasion d'un séminaire que je co-organisais avec Cédric Lombard, et puis, lors d'une conversation de fin de séminaire où Simonette était intervenue, nous nous sommes accordés toutes les deux sur le fait que notre lecture commune du savant et du politique faisait ressortir que Max Weber ne s'adressait pas qu'aux savants, mais surtout aux enseignants. Et ces souvenirs faisaient ressurgir l'idée qu'il fallait d'une part relire ce texte qui classiquement nous avait été enseigné en cours de sociologie pour vérifier si cette perception de lecture dirigée sur l'engagement du savant, l'homme de science, dans la science était fondée ou au contraire si nous avions bien lu ce texte qui pour nous mettait plutôt l'accent sur les possibilités de dérive et de domination inscrite dans la relation pédagogique et les règles du travail de l'enseignant. Et donc on se souvenait toutes les deux de phrases de cet ouvrage, de cette traduction de Julien Freund, puisque nous fondions à l'origine sur cette traduction-là. Et puis ensuite nous avons travaillé davantage à partir de la traduction d'Isabelle Kalinowski. Mais bon, on se souvenait notamment de phrases très fortes du texte de Weber qui nous semblait avoir été passé sous silence dans les manuels qui en traitaient, en tout cas, tel qu'il nous semblait qu'il nous avait été enseigné. Donc, par exemple, donc selon la traduction de Kalinowski, il est dit aux prophètes et aux démagogues, sors, va dans la rue et parle en public, c'est-à-dire là où la critique est possible, dans l'amphithéâtre, on fait face à des auditeurs, mais ceux-ci doivent se taire et c'est au professeur de parler. Les étudiants sont contraints de se rendre au cours d'un professeur dont l'intérêt de leur carrière est personne, dans ce cadre, ne peut le soumettre à des critiques. Aussi, je tiens pour irresponsable, ajoute Weber, de profiter de cette situation pour frapper les auditeurs du sceau de nos convictions personnelles au lieu de les faire profiter de nos connaissances et de nos expériences scientifiques comme nous en avons le devoir. Donc, cette première interrogation donc sur le statut et la nature du rapport pédagogique et cette séparation conduisait à en poser une deuxième, celle que nous étions posée. Donc, pourquoi pouvait-on avoir fait cette lecture de la conférence de Weber sur la science en France? Comment l'avait-on transmis à l'université? Et de là, donc, découlait une autre manière d'appréhender ce texte. Pourquoi est-ce qu'on en avait fait, au fond, un bréviaire de bonne conduite des intellectuels en France plutôt qu'un ouvrage qui met en lumière une sociologie du travail des enseignants-chercheurs? Parce que c'est bien aux enseignants-chercheurs, à cette double casquette, que s'adresse Weber dans ce texte, en insistant tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre, et en soulignant au passage que leur coexistence ne va pas toujours de soi. Donc c'est sur ce point qui concerne plus spécifiquement les conditions de travail du chercheur, de l'enseignant-chercheur, que nous avons alors bâti notre séminaire. Nous voulions comprendre ce que Weber lui-même nous disait de ses conditions de travail, de recherche, ce qu'il n'a pas dit, ce que d'autres lui ont fait dire. Et donc on voulait saisir comment s'opère, doit ou devrait s'opérer ce travail spécifique du chercheur, le travail empirique qui le met face à des êtres humains pris dans des logiques sociales spécifiques, des histoires particulières, qui balisent leur cadre existentiel et qui recèlent des enjeux propres qu'il faut découvrir, comprendre et analyser. Donc, en fait, ce que l'on voulait faire, c'était interroger les manières dont le chercheur prend l'objet, autant que les manières dont l'objet prend le chercheur. Et nous voulions étudier en sollicitant les expériences des collègues pour qu'ils nous rendent compte de leur mode d'investissement dans différents terrains. Donc au fur et à mesure des années, on a demandé à des collègues travaillant sur des objets variés et avec des modes d'investissement divers de venir présenter leur propre parcours de recherche, leur propre expérience de recherche. Donc on entendait par expérience de recherche à la fois les conditions de production de leur travail scientifique et la manière dont ils étaient engagés dans celui-ci. Et au fil des 3 années, notre réflexion a avancé et la question même de l'engagement s'est complexifiée. C'est-à-dire qu'au départ, au fond, on avait envisagé l'engagement au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire, la première année, on avait invité des collègues parce qu'ils avaient travaillé sur des objets particulièrement investis par le discours militant, politique et ou médiatique, et qu'ils avaient dû, avec plus ou moins de maîtrise et d'explicitation, se construire une politique de recherche, une posture de chercheur face à cet appel à l'engagement dans et par leur objet. Par exemple, on avait invité Alexis Spire, qui avait travaillé sur les politiques d'immigration, Nadine Le Faucheur, qui avait travaillé sur l'accouchement sous X, Bensa sur les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, Bizel sur le Front National, Anne-Marie Devreux sur le féminisme, et puis Bobéro, à propos de ce qui est publié dans le bouquin, sa participation à la commission Stasi. Donc les questions qu'on leur posait, étaient jusqu'où ont-ils pu faire de la science sans faire de la politique, où se situent selon eux les frontières objectives et subjectives entre ces deux registres, quelles sont les pratiques qui les transgressent, est-ce qu'on a vraiment le choix d'échapper à l'expertise ou à la contre-expertise quand on travaille sur certaines questions brûlantes telles que l'immigration, le Front National, l'accouchement sous X, le port du voile, etc. Et cela est-il vraiment souhaitable ? Mais aussi ce qui fait justement que l'on choisit de s'engager dans une recherche portant sur ces questions-là. En quoi les parcours biographiques, les engagements extérieurs, militants associatifs, syndicaux, politiques de ces sociologues avaient-ils motivé et au-delà imprégné leurs investissements dans ces objets de recherche ? Bref, on avait énormément de questions. On s'interrogeait évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les différentes casquettes, c'est-à-dire chercheurs ici, militants ou simples citoyens là, comme Weber le suggère, en quelque sorte, à l'enseignant en l'invitant à isoler hermétiquement l'espace de l'amphithéâtre et celui de la rue, de la presse, des réunions, des associations. Donc en fait, on voulait voir au fond quelles étaient. Enfin, je vous livre de manière un peu globale, comme ça, en vrac, toutes les questions qui nous sont venues à l'esprit et que l'on a abordé en appuyant sur certaines et d'autres au fur et à mesure des années et des interlocuteurs. Donc voilà, donc toutes ces questions, les conditions objectives du travail scientifique aujourd'hui, qui en lien avec les modes de financement, de valorisation des activités scientifiques, de statut de chercheur. Ensuite, les modes de médiatisation aussi, qu'est-ce que cela faisait à la recherche ? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont plus autonomes que d'autres dans leur capacité à définir ou à jongler précisément avec leurs différentes casquettes ? Donc, toujours dans cette confrontation entre analyse des conditions de travail scientifique et des trajectoires biographiques des collègues, des chercheurs, enseignants-chercheurs, la fréquentation de certains objets ou terrains de recherche ne conduit-elle pas immanquablement le chercheur le plus neutre à prendre parti ? Et au-delà des opérations de conversion qui s'effectueraient dans l'interrelation entre le chercheur et son terrain, en quoi la restitution des résultats de la recherche peut-elle modifier la posture initiale du chercheur ? Et en quoi la restitution et surtout les appropriations possibles qui sont faites à travers la réception des différents travaux. Donc à l'issue de cette première année, l'idée que cette notion d'engagement devait être envisagée dans sa pluralité a été confirmée. C'est pourquoi ce séminaire, qui s'était initialement appelé « Pratique de recherche et engagement au singulier », s'est appelé à partir de la deuxième année « Pratique de recherche et engagement au pluriel ». Ce qui nous avait semblé trop restrictif d'entendre l'engagement au sens politique ou militant du terme. Il nous fallait appréhender l'ensemble des registres par lesquels peut être investi un terrain de recherche. Donc l'engagement du chercheur dans un terrain, ça peut aussi être une manière de faire un retour sociologique en tant que sociologue sur un fragment de son histoire de vie. Par exemple, le fait d'être mère célibataire, comme nous l'a exposé Nadine Le Faucheur, et d'en faire un objet de recherche. Donc c'est parce qu'elle était mère célibataire qu'elle s'est interrogée sur le statut des mères célibataires, etc. Donc la question de l'engagement du chercheur dépasse bien ici celui des convictions idéologiques. Ensuite, nous avons, donc, comme je vous le disais, déplacé le questionnement vers la question de l'investissement personnel du chercheur pour aller la sonder, y compris dans ses implications corporelles. C'était par exemple le travail de Loïc Vacan, qui lui-même nous a parlé de son enquête sur le ghetto et de son engagement physique dans la boxe. Où on avait également invité Pierre-Emmanuel Serinier, qui pratique la danse parallèlement à son métier de sociologue et a fait de cette pratique artistique son objet de recherche. Donc, il y avait aussi d'autres formes d'engagement. Et par exemple, l'engagement du chercheur, c'est aussi le risque qu'il prend sur un terrain dangereux, illégal. Par exemple, comment faire lorsque l'enquête porte sur le business ou le trafic de drogue ou sur les usagers de drogue. Ça, c'était par exemple Patricia Bounik et Karima Genfoud. Le risque physique, se faire arrêter dans une voiture qui contient de la drogue, apprendre des informations sur des crimes. Bref, que faire lorsqu'on est confronté à l'ordinaire du vécu de certains groupes sociaux et que cet ordinaire entre en infraction avec la loi que, par ailleurs, le chercheur respecte. Donc, c'est aussi une forme de risque émotionnel, en tout cas de confrontation à un ressort émotionnel. Par exemple, faire face à des décès sur le terrain, la confrontation au dépérissement des corps quand on travaille sur certains sujets. Donc, au-delà de l'engagement choisi par le chercheur, il y a aussi la manière dont le monde académique engage parfois le corps du chercheur. Par exemple, Karima Genfoud nous a raconté qu'en travaillant sur Drancy et le trafic, le bise en banlieue, lorsque l'on est soi-même d'origine algérienne et originaire de cette ville, assigne à la position d'informateur privilégié plutôt qu'à celle de chercheur à part entière. De tels témoignages de retour réflexif sur le travail d'objectivation réalisé en tant qu'enquêteur et sur l'assignation du milieu académique aux propriétés sociales du chercheur prouvaient dans ce cas, en l'occurrence, que la reconnaissance par le milieu académique était aussi inscrite dans des rapports sociaux. Et donc, si le travail du chercheur se construit en se fondant sur des techniques et des méthodes partagées entre pairs, certains marqueurs, origine sociale, ne situent pas à égalité ceux qui produisent des recherches sur certains objets. L'interaction avec les pairs contribue ainsi à définir ce qui est objectif ou pas, militant ou pas. Et finalement, ce registre d'expérience actualise sous d'autres modalités la question de la neutralité axiologique. La proximité des origines sociales prêtées, dans ce cas par exemple, à l'enquêtrice avec son terrain, suffisait, selon les préjugés des pairs qui travaillent sur des objets proches du sien, mais ayant grandi de l'autre côté du périph ou en province, en étant blanc, homme, etc., suffisait à produire une forme de disqualification de son travail. Par exemple, on ne lui demandait pas comment elle avait négocié son entrée sur son terrain, comme si en ouvrant la porte de chez elle, elle tombait directement sur des frères, des cousins, des sœurs, des copains qui étaient dans le bis de la cité où on l'avait assignée à résidence. Donc ça révélait aussi à la fois les rapports sociaux et évidemment la violence symbolique que ça suscite. Et le statut épistémologique accordé à la recherche. Donc c'est en cela qu'on a décidé d'orienter notre réflexion sur la question de la restitution. Et cet angle d'attaque a permis d'aborder par une autre entrée, les rapports qu'entretiennent les chercheurs avec leur terrain et leur objet. Par exemple, Loïc Vacan raconte comment la mort de son entraîneur, Didi, l'a poussé à passer à l'écriture de Corps et âme, carnet ethnographique d'un apprenti boxeur. Tandis que Patricia Bounik évoquait les difficultés à écrire, alors même qu'elle était confrontée à de nombreux décès sur son terrain. De même, Karima Genfoud, sur un registre plus politique, évoquait la difficulté à relater son enquête dans un livre en raison du surcroît de stigmatisation que cela pourrait infliger aux familles de classe populaire et immigrées de banlieue parisienne. Voilà, donc ça. Donc dans le fil de notre réflexion sur la restitution, qui a été abordée par plusieurs intervenants, confrontés à des terrains très différents, comme celui de Sophie Pochic et Cécile Guillaume, qui ont évoqué leur terrain sur les inégalités professionnelles et leur manière de composer en binôme avec leurs commanditaires, ainsi que les restitutions multiples à plusieurs étapes de leur recherche et à plusieurs acteurs de l'entreprise qui les avait engagés. Pierre-Emmanuel Serinier, lui, était venu présenter son enquête sur la danse. Il avait rendu compte des ressources que procure d'être en partie prenante du groupe, mais aussi des tensions que suscite pour le groupe et pour le groupe de danseurs, hein, la troupe à laquelle on appartient, et pour le sociologue lui-même, le travail d'analyse par ses aspects objectivants et désenchantants. Pardon. Xavier Dunza avait, quant à lui, abordé la singularité de son parcours de chercheur qui choisit ses terrains en fonction de ses engagements politiques dans différents collectifs, dont certains qu'il a contribué lui-même à créer. Il montrait, ce qu'il a repris en partie dans l'article du livre, comment il appliquait à chacun de ses terrains une grille d'analyse critique qui contient sa propre auto-analyse et celle des collectifs. Bernard Pudal avait quant à lui évoqué son travail sur les trajectoires des membres du Parti communiste français, mais aussi comment en tant que chercheur il avait traversé différentes configurations, au nombre de 4, où se stabilisaient des objets et des types de militantisme, dont le militantisme communiste, des chercheurs, des types de chercheurs et des paradigmes analytiques, mais aussi des méthodes d'enquête. Enfin, Stéphane Beau, lui, avait effectué dans le séminaire son auto-socio-analyse en faisant un retour sur sa propre trajectoire sociale de chercheur travaillant sur les classes populaires. Puis les années suivantes, nous avions notamment invité d'autres collègues, dont certains d'entre eux avaient réalisé des enquêtes quantitatives, mais qui ne figurent pas dans notre livre. Donc au départ, il y avait un séminaire sur les pratiques de recherche destiné à des étudiants de troisième cycle où on demandait aux collègues de parler de la tambouille de leur recherche, de leur rapport au terrain, comment on s'engage dans un terrain, mais aussi comment un terrain vous engage, vous utilise, vous rejette aussi parfois. On leur avait demandé d'évoquer leurs conditions d'enquête, comment on fait avec les surprises, mais aussi avec les déconvenues du terrain, pour reprendre une expression de Daniel Bizel. Donc l'idée consistait à faire parler des enseignants-chercheurs, devant un public confidentiel, hein, il y avait vraiment très peu d'étudiants. Si les commandes que nous passions donc, concernaient tel ou tel moment du déroulement de la recherche, ces différentes commandes ont permis de déconstruire l'idée bien ancrée d'une suite logique et ordonnée, tel un chemin de fer qui comporterait ces stations obligées, construction de l'objet, construction de la problématique, construction des hypothèses, plongée sur le terrain, écriture de l'enquête, restitution. Analyse des données, écriture et restitution. Donc ces moments successifs existent bien tendanciellement, mais la confrontation à la pratique de recherche des chercheurs venus présenter ont remis en question bien souvent cet ordre. L'objet peut se construire finalement après qu'on soit entré sur le terrain, la restitution peut se faire à différents moments de l'enquête et sur différentes scènes, et on pourrait continuer comme ça dans le réagencement réel des stations. Mais d'autres éléments sont survenus au gré de ces séances qui concernent l'implication des chercheurs sur leur terrain et la construction d'une posture objective. Donc elles se fondent sur la lecture que nous avions faite de Weber, qui invitait à réfléchir sur la question de ce qui en France avait été traduit comme la neutralité axiologique. C'est en cela que nous sommes appuyés sur les analyses d'Isabelle Kalinowski, parce qu'elle a en effet historicisé l'usage stratégique qui a été fait de la traduction de ces deux conférences par Julien Freund dans le champ académique français des années 50, et elle a pu montrer combien il s'agissait pour lui et Raymond Aron de discréditer notamment les théories marxistes. Donc, en faisant cette analyse en termes de sociologie du travail des intellectuels et de leur production, Isabelle Kalinowski, à travers son travail, et je vous renvoie vraiment à son ouvrage, nous a donné une clé d'analyse des enjeux de lutte théorique que ce livre, sous couvert d'idées scientifiques et intellectuelles, dans le champ académique, les chercheurs. Quoi. Donc, il nous a semblé que Aron et Freund avaient déplacé l'objet même de la conférence sur la science donnée par Weber. Et donc, plus qu'une épistémologie de la neutralité, il nous semble que ce texte recèle une approche sociologique du travailleur scientifique. Pour le dire autrement, il nous semble qu'il est moins question de sociologie de la science ou de la connaissance que de sociologie du travail des scientifiques en sciences sociales. Et donc on glissait de la neutralité à celle de la fabrique de l'objectivation au fur et à mesure que les collègues nous racontaient concrètement comment ils s'y étaient pris, comment on les avait considérés tant sur le terrain que dans le monde académique. Et ce qui transparaissait vraiment, sans spéculation aucune sur les pratiques, c'est bien que tout travail de recherche implique des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans des rapports sociaux avec lesquels il s'agit de composer à tout moment. Donc voilà en gros comment nous sommes venus à cet ouvrage collectif. Donc notre livre se propose de poser collectivement ces questions relatives aux pratiques de recherche et aux engagements des sociologues sur lesquels nous avions échangé de façon relativement intime dans ce séminaire. Le titre de l'ouvrage pourrait au fond se résumer à cette question que l'on pose dans l'introduction, dont je vais vous citer un passage. Donc on écrit « Citoyens plus ou moins politisés, travailleurs scientifiques au statut juridique, conditions d'exercice et aux formes de subordination pour le moins variées, êtres de chair et de sang, sexués et genrés, inscrits dans une histoire familiale et sociale, les sociologues qui observent, analysent, mettent en lien toutes ces dimensions de la vie pour expliquer les autres, seraient, de leur côté, tenus d'être des êtres sans qualité pour faire une recherche de qualité. » Donc, notre angle d'attaque est, pour reprendre les termes de Ludovic Gosseau, celui des conditions sociales de production de cette connaissance. Les questions soulevées tournent autour de celles également classiques de l'enracinement social de l'observateur, l'engagement, l'idéologie, la culture, la position ou la situation sociale et le point de vue de l'observateur, etc., et leur incidence sur la connaissance produite. Donc, nos réflexions collectives et nos échanges nous ont conduit à déplacer donc, la question de l'engagement du sociologue qui avait été posée jusqu'à présent, à notre sens, davantage sous l'angle des convictions idéologiques et jugée à l'aune de la neutralité axiologique. Et c'est contre ces propositions et la représentation du métier de sociologue qu'elle construit, c'est-à-dire un savant neutre détaché des contingences historiques et politiques et échappant aux lois de l'économique et du social, que cet ouvrage collectif entendait se positionner et en tout cas dépasser. Donc les contributions réunies permettent de comprendre comment, enfin en tout cas c'est notre objectif, on espère que ça intéresse et que c'est utile, donc comprendre comment les sociologues font leur travail alors même qu'ils sont engagés, situés et font partie du monde social qu'ils analysent. La notion d'engagement est engagée au pluriel parce qu'elle recouvre l'ensemble des liens politiques, institutionnels, professionnels, mais aussi biographiques, familiaux, intimes et parfois même charnels qui peuvent intervenir dans la construction d'une recherche sociologique et dans sa réalisation. Donc au fond, loin d'une représentation éthérée, asociale du chercheur, enfermé dans sa tour d'ivoire, cet ouvrage donne à voir des travailleurs scientifiques immergés dans le monde social qu'ils ont pour métier et vocation d'analyser. Donc nous avons regroupé les contributions de ces sociologues de sexe, d'âge et d'écoles différentes, dans trois parties, après une introduction, où nous revenons sur deux points. Donc, premier point, dans cette introduction, nous revenons sur ce qui nous semble être le rôle de l'épistémologie féministe, de la connaissance située, d'une part, et de la légitimation croissante de l'ethnographie, d'autre part, dans la déconstruction de cette représentation du savant neutre. Puis, deuxième aspect, sur l'injonction contemporaine croissante à la réflexivité et ses limites. Et nous précisons notre projet, c'est-à-dire faire porter la réflexivité sur les pratiques de recherche et les engagements pour éviter un double écueil, celui de l'épanchement narcissique et celui de la dissimulation des engagements au nom de la norme de la neutralité. Donc, il nous semblait en effet que l'un comme l'autre naturalise et individualise l'activité scientifique. Et au contraire, la mise en lumière de nos multiples engagements et de la manière dont ils influencent, participent, orientent, délimitent, heurtent aussi et parfois permettent notre activité de chercheur, comment ils s'articulent ou non à notre socialisation professionnelle et aux techniques d'objectivation du monde social que nous avons apprises. Enfin, tout cela nous semble receler un potentiel heuristique collectif et nous aider à comprendre comment nous faisons professionnellement avec notre être social. Donc en tout cas, c'est dans cette volonté de partage et donc de réflexion collective que nous avons construit le projet de ce livre, afin de poursuivre autrement et à une autre échelle cet échange engagé lors de notre séminaire. Et nous prévoyons du reste deux journées d'études pour prolonger ce travail, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des points aveugles, et on a été incité à la suite justement de la réception de l'ouvrage à creuser d'autres points, et donc nous organiserons deux journées les 17 et 18 octobre sur le site Pouchet. Donc je vais, si j'ai encore un petit peu de temps, je vais revenir sur le contenu de l'ouvrage, et puis sur ce qui a réuni et sépare les différentes contributions. Donc ce livre, comme je vous le disais, se décline en trois parties, dont chacune aborde une modalité d'engagement des sociologues dans leurs travaux. La première, intitulée « Engagement militant et recherche scientifique quand le sociologue s'engage politiquement », comprend quatre contributions qui porte un nouveau regard sur la question classique de l'engagement du sociologue, bien loin de l'impératif donc de la neutralité. Hein, ces textes mettent bien en lumière combien la porosité des frontières entre recherche et engagement participe à la production d'un savoir objectif. Bernard Pudal et Alban Bensa montrent ainsi que l'on ne peut pas comprendre l'histoire des disciplines sans tenir compte des engagements de ceux qui les construisent. Le premier, donc Bernard Pudal, se propose d'esquisser une histoire sociale des modes d'analyse du communisme et des militants communistes depuis 1945, en s'attachant à saisir l'imbrication dans les sciences sociales des enjeux scientifiques, biographiques et politiques. Alban Bensa, quant à lui, se propose de montrer en quoi son engagement anticolonialiste en Nouvelle-Calédonie lui a permis d'engager une critique de l'anthropologie objectiviste et une réflexion sur l'interdisciplinarité. Anne-Marie Devreux et Xavier Dunza, pour leur part, mettent en lumière les conditions dans lesquelles l'expérience militante peut être consubstantielle à la production scientifique. Et donc, à partir d'une analyse réflexive de son itinéraire militant et professionnelle, Anne-Marie Devreux, quant à elle, montre à quelles conditions une expérience acquise dans le féminisme et le syndicalisme peut faire science. Enfin, Xavier Dunza, lui, à partir de son travail sur les rapports sociaux de sexe, de race et de classe au sein de collectifs militants, montre combien les positions simultanées de militants et de sociologues, loin d'être incompatibles, peuvent se nourrir mutuellement. La deuxième partie de l'ouvrage, « Légitimité scientifique et relations au terrain, quand le sociologue est engagé par l'objet », s'intéresse au régime de contraintes institutionnelles, plus ou moins formelles, dans lequel le travail des sociologues peut être pris, et la manière dont ce régime pèse sur la validité scientifique de ce travail. Les deux premiers textes, celui de Jean Bobéro et de Cécile Guillaume et Sophie Pochic, présentent ainsi dans des cadres fort différents des expériences où le sociologue est engagé par une institution pour son expertise et s'inscrit dans un rapport social contractualisé non exempt de subordination. Par exemple, donc Jean Bobéro analyse sa participation à la commission Stasi et montre les difficultés concrètes à tenir une position indépendante quand l'effet de travail de groupe et l'agenda politique, l'air que l'on respire, je reprends une formule très durkheimienne de Jean Bobéro, interfère sur la logique scientifique. Cécile Guillaume et Sophie Pochic font un retour sur l'enquête sur l'égalité professionnelle qu'elles ont menée au sein d'une grande entreprise industrielle française, en témoignant tant sur la négociation permanente avec les commanditaires que sur les compromis relationnels réciproques entre les deux parties. Ces deux contributions mettent en lumière les mécanismes qu'on pourrait qualifier de mécanismes d'allégeance et à l'inverse les arrangements et les modes de résistance à la commande qui peuvent se construire dans le cadre de la mission. Dans un tout autre contexte, celui d'une recherche financé par le monde académique sur la grande bourgeoisie. Le texte des Pinsons Charlot montre que le soupçon d'hétéronomie peut peser sur des engagements bien moins formalisés que la relation contractuelle. En prenant pour exemple leur approche intimiste sur la grande bourgeoisie et le reproche qui leur a été fait par certains de leurs pères d'être fascinés par leur objet, les Pinsons Charlot donnent à voir en pratique comment s'opère la gestion des formes de discrédit auxquelles les sociologues peuvent être confrontés. Comme les deux contributions précédentes, mais en dehors de tout rapport à un commanditaire, ce texte montre bien combien la suspicion envers le libre arbitre du sociologue et la légitimité à traiter d'un objet font partie des anathèmes avec lesquels ils doivent composer. La dernière contribution de cette partie, celle de Stéphane Beau, souligne encore plus fortement que celle des Pinsons à quel point derrière la norme du bon rapport à l'objet, l'administration de la preuve de la légitimité scientifique des sociologues se construit en lien avec l'histoire personnelle du chercheur. En faisant sa socio-analyse, Stéphane Beau objective ses propres dispositions sociales à faire une sociologie des classes populaires, alors même qu'il se décrit comme un bourgeois de province déclassé, sans aucun engagement politique ou syndical quand il découvre cet objet. Donc on saisit ainsi combien le travail du sociologue s'inscrit dans une tension entre les contraintes institutionnelles et la codification académique des engagements autorisés, tension qui varie selon les objets d'études investigués. Enfin, la troisième partie, le double jeu du sociologue, quand le sociologue engage sa personne sur le terrain, l'engagement y est analysé à l'aune des dispositions personnelles, trajectoire sociale, professionnelle ou histoire familiale, qui façonnent tant le rapport au métier et à cet univers professionnel que l'entrée dans le terrain et la production scientifique. Le chercheur et sa personne composent une partition qui construit l'expérience tout à la fois personnelle et professionnelle du travail de sociologue, comme en témoignent parfois sur un mode très intime les quatre contributeurs de ce chapitre. Donc Daniel Bizel nous montre combien le vécu ordinaire du sociologue peut constituer une voie d'accès à la compréhension des conduites de ceux qu'il étudie, y compris les plus éloignés de son univers mental et affectif. À partir de son travail sur les usagers de drogue en milieu précaire, Patricia Brunick montre que l'approche de la dimension intime impliquée dans leurs activités, plaisir, sensations, souffrances, tensions, implication du corps et du sens attribué à leur manière de vivre n'a été possible qu'à la condition, la manière de vivre des toxicos sur laquelle elle a travaillé n'a été possible qu'à la condition d'instaurer des relations engageant de l'intersubjectivité. Ainsi, le travail de terrain ne peut-il, dans certaines circonstances, s'accomplir qu'au travers de l'implication émotionnelle, corporelle et même charnelle des chercheurs, comme le souligne Loïc Vacan. Et donc, sa contribution à lui soulève un problème d'épistémologie concrète, rarement réfléchi par les sociologues, c'est-à-dire comment passer des tripes à l'intellect, de la compréhension de la chair au savoir du texte. Enfin, Pierre-Emmanuel Sorinier, lui, est engagé dans une double carrière de sociologue et de danseur, et donc il pousse à son paroxysme cette interrogation sur le dédoublement, en jouant sur le double registre de sociologue et de danseur, écrit-il, « Mon corps est devenu le lieu de cette tension entre deux rôles sociaux pas toujours compatibles. » Donc voilà pour dresser la composition de cet ouvrage. Et je vais faire maintenant un bref retour sur ce qui, au fond, réunit et sépare ces différentes contributions. Donc les contributions réunies dans ces trois parties, elles s'attachent donc à transmettre des manières de faire en situation d'exercice. Toutes et tous nous ont montré comment ils travaillent avec, mais aussi sur et grâce à ces engagements qui sont les leurs, et comment c'est en acceptant de penser ces engagements et non en les laissant dans l'ombre que l'on peut faire œuvre de science. Alors certes, ces chercheuses et chercheurs ne représentent pas l'ensemble de la discipline, hein, ils sont relativement proches dans leur tradition sociologique, encore qu'entre un Jean Bobéro et un Loïc Vacan, il y a quand même tout un espace de position qui nous semble quand même assez important. Mais ils ont, outre un certain partage de références communes, à minima comme très commun d'avoir recours à des méthodes relativement proches, plutôt ethnographiques, en tout cas fortement qualitatives. Et c'est d'ailleurs un reproche qui nous a été fait et une piste que l'on nous a lancée, notamment par Rémi Cavin, et puis donc dans sa critique sur liens sociaux, et puis aussi par un collègue, Michel Boson, qui nous a dit qu'il aimerait évoquer également la manière dont se travaille l'engagement dans les recherches quantitatives. Donc, proches, sinon dans leur tradition, du moins dans leur méthode, on pourrait relever des différences fortes dans la manière de saisir chacune et chacun dans sa contribution ce rapport aux engagements. Dans la place plus ou moins grande qu'ils accordent aux biographiques, par exemple, sans doute Stéphane Beau est le seul à avoir fait cet exercice d'auto-socio-analyse, même s'il précise qu'il ne tire ici qu'un fil pour éclairer sa vocation de sociologue, celui de l'histoire sociale de cette génération imprégnée et marquée politiquement et culturellement par mai 68, et non celui qu'il avait en fait initialement commencé à tirer dans une première version du texte, plus longue, sur l'histoire sociale de sa famille. Et donc ça c'est aussi intéressant de voir dans le processus du travail de publication comment certains fils justement sont coupés pour n'en privilégier que d'autres. Donc Pierre-Emmanuel Sorigné, lui, dans la première partie de son texte, revient davantage sur l'histoire de sa famille et de sa propre trajectoire. D'autres, plus nombreux, reviendront pour certains éclairages ponctuels sur des éléments de leur trajectoire professionnelle ou politique, ou d'autres comme Jean Bobéro, Sophie Pochic ou Cécile Guillaume, pas du tout. Ensuite, il y a un autre aspect dans la place plus ou moins grande associée aux sensibles, aux émotions, au corps. Aussi, même si de fait, la dernière partie comporte ici un biais, puisqu'elle portait sur l'engagement de la personne sur le terrain. Et c'est sans doute dans les contributions à cette partie qu'on rompt le plus avec la vision désincarnée, décorporisée, désaffectée du chercheur comme pur esprit. Donc le fait que les autres n'en aient pas parlé, c'est parce que ça se situait à d'autres moments du déroulement du séminaire et à d'autres questionnements que nous voulions explorer. Il y aurait aussi sans doute quelque chose à creuser du côté de la diversité du traitement et plus fondamentalement du rapport entre réflexivité et objectivation qui parcourt ces différents textes. Il s'agit plus d'une piste. C'est celle que notamment évoquait Laure Bérény qui avait discuté notre travail dans un colloque à Lille. Et donc elle signalait qu'il n'y avait pas une, mais au moins deux manières de penser la réflexivité. Réflexivité qui s'est peu à peu imposée avec la mise en cause du modèle du chercheur objectif et neutre, même si pour partie ce modèle reste dominant aujourd'hui. Donc il y aurait d'un côté, ce que proposait Laure, le modèle d'une réflexivité objectivante, où l'on cherche à connaître ses propres engagements pour neutraliser certains biais, ou mieux connaître notre propre position sociale, ce qui permet de la neutraliser. Modèle dans lequel on croit une certaine autonomie du champ scientifique. Et puis de l'autre côté, une épistémologie politique pour laquelle on ne peut pas faire de bonne science sans lutter contre les rapports de pouvoir où la partition science et politique n'a aucun sens et l'on ne peut pas faire de la science sans faire de la politique. Donc j'espère que je caricature pas trop les propos de Laure, mais en tout cas il nous semble par exemple que les travaux d'Anne-Marie Devreux et Xavier Dunza incarnent, qui sont davantage nourris par l'épistémologie féministe, semblent plus proches du pôle d'épistémologie politique et de cette idée que réflexivité ou pas, l'objectivité est toujours l'expression d'un point de vue qui se présente comme universel mais ne l'est pas. Voilà, donc voilà quelques questions qui nous sont venues après cette publication. Et voilà, donc aujourd'hui, on en est à prolonger ce travail, à tenter d'ouvrir d'autres pistes. Et donc aujourd'hui, on... Voilà, donc oui, donc les autres pistes, en fait, sont, et c'est ce qui fera l'objet de nos journées d'octobre, portent sur la question dans les recherches, des engagements dans les recherches quantitatives, hein, c'est-à-dire ne serait-ce que comment exploiter des sources de seconde main. Comment faire lorsque certaines enquêtes nous apportent nous permettent de conduire des analyses qui vont en contravention avec ce qui nous paraît comme politiquement défendable. Donc que faire de ce type de comment utiliser ces résultats-là? Ces sources, pardon. Ensuite, la question des rapports de la sociologie critique avec les croyances des acteurs. Donc la question du dévoilement, de la trahison, du rapport aux enquêtés, hein, le rapport à la trahison, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nos recherches produisent, nos enquêtes produisent sur les enquêtés, finalement, on va que très rarement voir les enquêtés après pour voir ce qu'il se passe, alors peut-être moins dans le courant de l'intervention sociologique. Ce seraient ces questions-là qu'on aimerait évoquer, savoir toujours dans la forme de restitution, comment écrire, comment relater ce qui ressort de nos enquêtes. Et puis ensuite, un autre aspect qui est absent de notre ouvrage concerne les dispositifs collectifs d'enquête comme ressources pour l'enquête et pour l'objectivation, hein, c'est-à-dire par exemple le couple chez les Pinsons, mais aussi notamment l'exemple de Maud Simonnet qui a travaillé avec un collègue américain à New York. Et donc, qu'est-ce que fait que ce binôme de français-américain sur un terrain aux États-Unis, qu'est-ce que provoque finalement sur le terrain même ce type d'association, qu'est-ce qu'on en fait, et puis d'autres dispositifs plus larges, comme par exemple le dispositif ASPLAN, qui est un groupe plus étoffé avec autour d'Anne Bory et l'enquête sur la grève des sans-papiers. Voilà, donc ça, ce sont les quelques pistes que nous projetons de réfléchir, et je vous remercie beaucoup pour de votre attention.